une fois un roi, malheureux comme tous les rois. Chaque nuit il rêvait qu'un ange lui disait: c'est une chanson qu'il faut pour ton cœur. Trouve la chanson et c'est le bonheur. Il fit venir ses musiciens qui jouèrent jusqu'au matin, mais rien ne lui plaisait. Pourtant la voix disait: c'est une chanson qu'il faut pour ton cœur. Trouve la chanson et c'est le bonheur. Il partit faire le tour du monde, cherchant les chansons à la ronde. Il chercha vainement. L'ange disait pourtant: c'est une chanson qu'il faut pour ton cœur.